ubushikira nganje bwo kubungabunga magara y'abantu no kugwanya sida busavye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite les grandes articulations. Les agents de l'État évoluant dans les institutions à statut spécial doivent encore s'armer de patience jusque fin octobre puisque c'est à cette date qu'ils auront des salaires actualisés avec des gels des annales et régularisations depuis juillet 2023. Un mois, c'est pas vraiment un retard alarmant. Un mois pour faire les calculs et les vérifications. Un mois, je pense qu'il y a lieu de leur demander de patienter jusqu'à la fin du mois d'octobre pour sortir des salaires bien calculés. C'était le ministre Audace Nyonzima en charge des finances. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et le secteur de la production et distribution du courant électrique sera bientôt ouvert aux investisseurs privés. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Vous aurez les précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Et le vagabondage sexuel dans le site Maranja Sobel abritant les déplacés des inondations de Gatumba a sensiblement diminué d'ampleur. La chargée du développement familial dans ce site nous dira que c'est grâce à l'intervention des animateurs communautaires. Je venais de vous le dire dans les titres, les fonctionnaires de l'État dont le déblocage des annales n'a pas encore été effectif sont priés de patienter car à la fin du mois d'octobre, ils auront un salaire actualisé avec régularisation, assurance donnée ce vendredi à Gitega par le ministre en charge des Finances dans un point de presse. Audace Nyonzima demande à ceux qui n'ont pas encore terminé les calculs de le faire vite et d'envoyer les documents dès ce lundi. Pour lui, ceux qui ont déjà présenté des préavis de grève sont mal informés. Écoutez-les dans ses propos recueillis par notre correspondant à Gitega, Arthur Kavaouche. Je pense que ce comportement est lié au manque d'informations sur les modalités de mise en œuvre de ce décret et qui prescrit le dégel des annales. Dès que nous avons reçu le décret, nous avons adressé des lettres au ministère, aux institutions concernées, donc à statut spécial, de nous transmettre des calculs qu'ils prévoient faire conformément au décret, pour procéder d'abord à la vérification si les calculs sont effectués conformément au décret et aussi calculer l'impact budgétaire réel, parce que cette fois-ci, ça sera réel. Et toutes les institutions qui émergent sur le budget de l'État sont soumises à cette vérification et à ce calcul. Et il y a des rumeurs qui disent qu'il y en a qui ont reçu des salaires, d'autres qui ne les ont pas reçus, ce qui n'est pas vrai. Ce qui aurait déjà donné les salaires, ce serait des institutions qui ont leur budget propre et qui ont procédé directement au calcul et au paiement des salaires. Mais sinon, toutes les institutions qui sont à statut spécial, qui sont concernées par ce décret sur le DG des annales, sont soumises à cette vérification et à ce calcul d'impact pour pouvoir sortir les salaires après cette vérification. Donc je crois que ce comportement de désespoir ou de vouloir faire des grèves, c'est peut-être à ces rumeurs, ce manque d'informations qui les a conduits à se comporter de cette façon. Donc nous allons leur lancer un appel, de patienter encore. Donc je pense qu'un mois depuis la sortie du décret, un mois, ce n'est pas vraiment un retard alarmant. Un mois pour faire les calculs et les vérifications. Un mois, je pense qu'il y a lieu de leur demander de patienter jusqu'à la fin du mois d'octobre pour sortir des salaires bien calculés. Audace Nyonzima, c'est le ministre des Finances. Le secteur de production et vente du courant électrique sera bientôt ouvert au secteur privé. Ceci a été analysé et adopté en Conseil des ministres tenu cette semaine. Prosper Naugwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, fait savoir que des modifications de la loi en vigueur devront être faites, notamment celles relatives aux règles tarifaires, ainsi que la protection des consommateurs et réparation des préjudices subis. Suivez-le dans un extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres. Ce projet de loi vise à promouvoir la libéralisation progressive du secteur de l'électricité au Burundi en introduisant la possibilité par le secteur privé d'investir dans le réseau de distribution et de vente de l'énergie à des consommateurs finaux. Ainsi, la nouvelle organisation du secteur de l'énergie prévoit un exploitant public, la régie des eaux, en tant que gestionnaire du réseau du transport interconnecté. Ainsi, la régie des eaux garde l'autonomie et le monopole de cette exploitation. Des acteurs pluriels, régie des eaux et privés, en charge de la construction et de l'exploitation du réseau de distribution. Des acteurs pluriels, régie des eaux, ABR et privés, en charge de la commercialisation de l'énergie aux clients final. En exploitant public, l'ABR en charge de la construction et de l'exploitation des réseaux isolés. Les investisseurs privés pourront ainsi adresser une demande au ministère pour produire et distribuer l'énergie dans le cas où ils voudraient couvrir un site isolé. Un accent particulier a été mis sur la promotion des énergies renouvelables avec une obligation de protection de l'environnement pour tous les projets de développement du secteur de l'électricité au Burundi. De plus, la promotion de l'électrification en milieu rural a eu sa place à travers le développement de petites centrales hydroélectriques et solaires en vue d'accroître le taux de couverture en électricité sur l'ensemble du territoire national. D'autres modifications de la loi en vigueur sont suggérées, notamment la promotion et le développement de l'offre de l'électricité par la création des conditions économiques permettant la réalisation, la sécurisation, la rentabilisation des investissements dans le secteur, la fixation des règles tarifaires claires et de facturation, la clarification du cadre institutionnel, la protection des consommateurs et la réparation des préjudices subis par eux du fait des exploitants. Dans la suite de ce journal, certains rapatriés de la colline Ruvumera, commune Nyanzalak de la province Makamba, affirment avoir fait recours à la Cour spéciale Terre et autres biens pour qu'ils soient régularisés à leur retour au pays et ils n'ont aucune information sur leur dossier. Pascal Ngendakoumana, président de la Cour spéciale Terre et autres biens, précise que la CNTB avait reçu plus de 24 000 dossiers au niveau national et que la province de Makamba avait 7 000 dossiers non encore traités. Il explique le retard dans le traitement de ces dossiers par la mauvaise foi des parties en conflit. Jean-Marie Mayong. C'est l'un des rapatriés de la colline Ruvumera, commune Nyanzalak, province de Makamba, avec plus de colère, disant qu'il n'a pas pu s'entendre avec ceux qui sont restés dans sa parcelle. Il réclame toute sa parcelle entière. C'est ma propre parcelle. Comment puis-je vivre sous l'arbre alors que ma parcelle est là? J'ai approché la CNTB et les a convoqués. Mais ils ont refusé. Dans les messages, on leur disait que l'occupation des parcelles est temporaire et quand nous allons venir, ils vont nous donner nos terrains. Ces gens n'ont pas voulu le dialogue, ce qui m'a poussé à réclamer toute ma parcelle entière. Celui qui habitait dans sa parcelle se dit étonné de voir comment ce monsieur aujourd'hui refuse la décision prise par la CNTB de partager le terrain. Il dit qu'il doit respecter cette décision prise par des autorités. Le chef collinaire Ruvumera, Onizime Ndikirirenza, affirme bien qu'il y a certains gens qui ne respectent pas les décisions prises par la CNTB, ce qui fait que ces conflits fonciers persistent. Au sein de l'administration communale Nyanzalak, le conseil chargé des affaires politiques et sociales précise que la commune essaie de résoudre ces conflits pacifiquement, sinon le problème est résolu par la Cour spéciale des terres et autres biens. On essaie de nouer des relations entre ces deux familles qui ont des problèmes, tout en attendant la dernière réponse venant de la commission qui sera chargée de la résolution de tel cas. Pascal Ngendakoumana, président de la Cour spéciale des terres et autres biens, explique que le retard dans le traitement des dossiers émane des parties en conflit qui compliquent leurs affaires. Il précise que la Cour a déjà 7000 dossiers à traiter dans la province de Makamba. Pour les dossiers qui restaient pendant devant la CNTB, on dénombre à peu près 24 903 dossiers, dont 7471 pour la province de Makamba. Et ici, on n'a pas de chiffres pour la commune Nyanzalak, mais Sachez que au niveau de la province Makamba, chaque fois la commune Yanzalak vient en tête avec plus de 90% de dossiers. Les dossiers enregistrés depuis la création de la Commission nationale terre et autres biens, CNTB, jusqu'à la fin de son mandat s'élèvent à plus de 65 000 et ceux qui ont été traités sont au nombre de 41 000 dans tout le pays. Jean-Marie Mayong, le nouveau code du travail inclut les travailleurs du secteur informel. C'est l'une des grandes réalisations de la Fédération nationale des travailleurs du secteur informel durant les 5 ans écoulés. Cela a été déclaré par le président de cette fédération lors du 4e congrès ordinaire ce vendredi. Célestin Savzimana indique toutefois que la baisse des cotisations causée par certaines mesures, dont la délimitation du périmètre de circulation des motos et autres engins, a paralysé certaines activités de développement au sein de cette fédération suivante. L'économie de notre est à 80% informelle, ce qui fait que l'informel dispose de beaucoup de travail. Mais il y a une certaine opinion ici. On croit qu'un travailleur, c'est toi, c'est monsieur-là qui travaille avec un contrat. Non, non. Un travailleur au niveau définition du BIT, c'est quelqu'un qui fait un travail, qui a un emploi rémunéré ou même pour son propre compte. Vous dites pourquoi vous avez beaucoup de travail de l'informel. Ça fait bientôt une quinzaine d'années. Les instances du Bureau international du travail, Organisation internationale du travail, ont recommandé et d'encadrer de tenir compte des travailleurs de l'économie informelle. Ils avaient même commencé par les travailleurs domestiques. Alors ça, c'est un avantage. Alors on est en train même d'élaborer des textes d'application spécifiquement parfois pour les travailleurs de l'économie informelle, notamment une loi spécifique régissant les relations de travail dans les métiers de l'informel. Ce qui a causé justement la baisse des cotisations, vous savez, avec fin 2019, décembre 2019, il y a eu le Covid qui a touché presque le monde entier. Alors, le volume des activités, surtout dans les métiers de l'informel et même dans le formel, ont diminué. Il y avait un secteur de transport, notamment le transport rémunéré par vélo, par moto, par tuk-tuk. Alors, vous savez qu'il y a eu 2021, je pense bien, une interdiction du gouvernement pour que ces taxis vélo, moto, tuk-tuk puissent circuler dans la ville de Bujumbura. Maintenant, ils sont dans les périphéries. Ils ont perdu beaucoup de revenus et également les cotisations baissent. Nous ne travaillons pas en solo, nous travaillons dans le cadre global, dans le cadre des confédérations. Nous avons écrit dernièrement un mémorandum à son Excellence Monsieur le Président de la République pour que des questions qui hantent le monde du travail soient discutées dans un cadre de dialogue. Parmi les questions les plus saillantes, il y a cette cherté de vie. Voilà, nous plaidons, il y a des cadres de dialogue. Et la cohabitation est relativement bonne dans les ménages du site des sinistrés par les inondations de Gatumba et qui campent actuellement dans le site Maranvia Sobel, selon la chargée du développement familial dans ce site. Grâce Rukundo explique que la débauche sexuelle qui faisait objet de conflits dans les ménages au début de la création du site a sensiblement diminué. Ce responsable adjoint du site Maranvia Sobel, chargé également du développement familial, salue le rôle des animateurs communautaires dans la résolution des conflits. Ingo muri rusange ntizitekanye hari ingo nyinshi usanga zitameze neza mugato ragerageza kubaba hafi kandi hari abandi wasanga nyine bitatanye gose mugabo turagerageza kubahuza. Il y a certains ménages qui sont perturbés par des conflits familiaux, mais nous essayons de calmer la situation. Même pour ceux qui sont en conflit très ouvert, nous parvenons à rétablir leur union familiale. Si nous ne parvenons pas à trouver solution à ce différend, nous le renvoyons chez le CDFC au niveau de la commune qui par la suite tranche ce conflit. Les conflits familiaux dans ce site ne diffèrent pas de ceux signalés dans d'autres ménages, dans différents quartiers. Les questions qui hantent les ménages sont énormes. Mais si les mariés exposent les problèmes qui les hantent, on se met ensemble pour les résoudre. La débauche sexuelle a été signalée au début de la création de ce site, mais aujourd'hui, il y a des animateurs communautaires qui ont pris la question en main pour prodiguer des conseils tant aux adultes qu'aux jeunes. Les jeunes sont mobilisés à faire les études pour éradiquer ce fléau. Ici, presque tous les enfants vont à l'école. Nous saluons le rôle très important des animateurs communautaires qui organisent des séminaires à l'endroit de cette jeunesse pour qu'elle puisse mieux se comporter. Dans la suite de ce journal, des compteurs sont volés dans la ville de Gitega. 6 ont été déjà volés, comme nous le rapporte notre correspondant à Gitega, Gérard Nibigira. Les habitants du quartier Magarama, avec qui nous sommes entretenus, laissent entendre que pendant une période d'environ une semaine, plus de 6 compteurs d'eau ont été volés par des inconnus. Ils disent qu'ils ignorent la destination de ces compteurs volés, mais pensent qu'ils seraient vendus hors du pays du moment qu'ils seraient appréhendés s'ils les vendaient au pays. Comme conseil aux habitants des autres quartiers de la ville de Gitega, ils proposent la protection de ces compteurs en construisant ou en fabriquant des caisses métalliques qui les cacherait. Ils expliquent que dans des ménages qui ont protégé leurs compteurs d'eau, les voleurs ont échoué à les voler et n'ont volé que des robinets. De son côté, le chef d'antenne de la régie des eaux, Régio Centre-Est, Jean-Claude Manirakiza, fait savoir qu'il est au courant de ces cas de vol des compteurs, mais s'étonne du fait que ça avait cessé d'être mentionné. Il ajoute qu'il aurait appris que ces compteurs volés sont vendus aux prisonniers situés dans la prison centrale de Gitega, qui en fabrique des bagues en cuivre pour les vendre à l'extérieur de la prison. À lui donc d'ajouter qu'il compte s'entretenir avec les responsables du service pénitentiaire pour prendre des mesures qui s'imposent. Il termine en conseillant lui aussi aux gens de protéger leurs compteurs contre toutes sortes de vols et même d'endommagements. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Et certains élèves issus des familles de la communauté batois scolarisés dans des écoles à régime d'internat en province de Kayanza, tout comme à l'association Unisono pour la promotion des Batois, l'on se réjouit de la décision du ministère de l'Éducation qui leur a permis d'accéder à l'internat. Jean-Baptiste Baragnizigui, secrétaire de cette association, demande à sa communauté d'encourager davantage leurs enfants scolarisés. De Kayanza, Patrick Sengiyoum. Selon les données chiffrées recueillies auprès de l'association Unisono pour la promotion des Batois et Niproba en sigle en province Kayanza, des élèves et Batois qui ont eu la chance d'obtenir 32% au concours national de l'année scolaire passée et qui ont eu accès aux écoles à régime d'internat sont en nombre de 7. Certains d'entre eux contactés sont scolarisés au lycée Kayanza. Des filles parmi elles disent qu'il manquait du temps pour la révision des cours à la maison quand elles étaient à l'écofo, mais que pour le moment, non seulement ils ont du temps de révision en suffisance et trouvent également facilement des matières scolaires. Filles batois scolarisées au lycée Kayanza appellent d'autres élèves issus des familles des batois à se prendre d'engouement pour l'école. Les parents de ces élèves batois disent eux aussi se réjouir de cette chance accordée à leurs enfants de fréquenter les écoles à régime d'internat. Même propos avec Jean-Baptiste Baragnizigui, secrétaire au sein de l'association Unisono pour la promotion des batois. Celui-ci demande aux parents des élèves batois d'encourager de plus leurs enfants scolarisés. Cette mesure permettra aux élèves issus des familles des batois à fréquenter les écoles à régime d'internat a été mise en application par le ministère ayant l'éducation dans cette attribution depuis l'année scolaire passée. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et en bref, la plupart des Burundais exerçant le petit commerce transfrontalier entre le Burundi et la RDC n'ont pas traversé ce vendredi 29 septembre. Ils ont eu peur de tomber entre les mains de certains acteurs de la société civile qui organisaient des manifestations au poste frontalier de Kavimvira contre ce qu'ils qualifient de tracasserie de la part de certains services burundais basés à Rugarika, en aval de Gatumba. Par une lettre adressée au maire de la ville d'Uvira, ces organisations avaient projeté un sit-in à la frontière, chose qui ne leur a pas été autorisée, mais ils ont forcé. Un dispositif militaire et policier a été déployé, chose qui a diminué la tension, mais certaines victimes ont perdu leurs marchandises. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Nduimana.